sœur est mariée. Avec mon beau-frère. Un monsieur très bien. Il est de Chartres. Ville bien pensante. C'est curieux la vie. Non seulement il était rien, puis d'un seul coup ce monsieur il est devenu beau, et en plus il a été mon frère. Il est devenu mon beau-frère. C'est un garçon très bien, très intelligent. T'es pas un imbécile. Mon beau-frère, la preuve c'est qu'il le dit lui-même. Donc c'est vrai. Et ils sont connus bizarrement avec ma soeur, ils sont connus en mangeant du saucisson. C'est curieux. On avait été avec la chorale de la paroisse dont je fais partie, avec ma sœur, les joyeux passionnés du dimanche. Nous avions été visiter la cathédrale de Chartres, qui est une des plus belles que je connaisse. Jamais j'en ai vu une autre plus jolie que la cathédrale de Chartres. C'est la seule que je connaisse d'ailleurs. Et nous avions apporté nos provisions, parce qu'il y avait Mademoiselle Lelombec, qui était là avec son éternel chapeau noir, le bout de voilette, vous voyez. Mademoiselle Lelombec, c'est le visage acariâtre, vous savez. Elle a une tête à manger des gâteaux secs. Il y avait Mademoiselle Crocule, avec son neveu. Il y avait Monsieur Chalamont, président-directeur. Il y avait toutes les personnalités de la chorale. Il y avait ma sœur, moi j'y étais. Et il y avait, enfin, Monsieur l'abbé était là. Et comme on est à peu près une quinzaine, on apporte donc toujours nos provisions. Parce que si on allait au restaurant, ça ferait trop cher. Ce serait trop onéreux. Ce serait onéreux d'une façon pécuniaire. Voyez-vous. Alors nous, quand on sort de Paris, on va toujours dans les restaurants où il y a écrit « On peut apporter sans manger ». Ça revient à meilleur marché, puis on sait ce qu'on mange. Vous savez, on sait ce qu'on mange. Parce que des fois, on mange des choses au restaurant, c'est parce qu'il y a dedans. Et après, on est malade. Ah oui. Tenez, l'autre fois, moi, j'étais chez moi, à la maison, j'ai fait une béchamel. J'étais malade. Mais ça, c'est rien. Je savais pourquoi j'avais été malade. Je savais ce que j'avais mangé. Parce que quand la maladie est dans la maison, eh ben, pour la faire partir, Oh, vous savez. Vaut mieux laisser son argent chez le boucher que chez le pharmacien. Vous savez. Comme dit ma sœur, vaut mieux être riche et en bonne santé que d'être malade et sans le sou. Alors, voilà qu'il s'est avéré qu'il manquait un sandwich. Ma sœur, sans se désemparer, elle a un toupet extraordinaire. Devant l'adversité, elle a un courage, c'est pas possible de voir. Ma sœur, quiconque à sa place eût été désorienté. On était 15, il y avait 14 sandwichs. Ma sœur, pas du tout. Elle a un toupet, elle a un culot, ma sœur. Elle a le vice dans l'âme. Si. Puisqu'on est entre nous, elle a de ses idées. Elle est pernicieuse. Vous savez pas ce qu'elle a fait. Oh. Je sais pas si je dois lire ça un peu. L'autre jour, on était à la chorale. On était en train de répéter un requiem joyeux. Et monsieur l'abbé était à la cure. Vous savez pas ce qu'elle a fait, ma soeur. On a ri. Elle a un culot, jamais j'en ai. Elle a téléphoné à monsieur l'abbé. Et quand il a répondu « Allô, allô », c'est parce qu'elle a fait. Elle a raccroché. On a ri, non. On a ri encore. Mais là, c'était pas le moment de rigoler. Nous étions à Chartres, au restaurant où on peut apporter sans manger. Elle va trouver le patron, il dit « Monsieur, s'il vous plaît, je voudrais un sandwich au saucisson. » Le bonhomme, il lui en apporta au jambon. Ma sœur, toujours avec le toupet que vous lui connaissez, elle dit « Monsieur, je vous ferai remarquer que j'ai demandé un sandwich au saucisson. » « Et alors ?»« Ben, vous m'en avez apporté un au jambon. » « Et alors ?»« Ben, et alors ?»« Et alors, si j'ai demandé un sandwich au saucisson, je vais manger un sandwich au saucisson. » Et alors? Oh, ben alors, ça va pas, non? Si j'avais voulu un sandwich au jambon, j'aurais dû donner moi un sandwich au jambon et je réclamerais pas. Et alors? Oh! Je demande un sandwich au saucisson, un sandwich au saucisson! Et alors? Oh, alors! Il y a un monsieur qui était à côté, qui lui dit, écoutez, mademoiselle, je vois que vous êtes dans l'embarras. Je vais être bien là avec vous. Je suis un homme de qualité, distingué, c'est vrai. C'était mon futur beau-frère. Et qui dit comme ça, mademoiselle, si vous me permettez, moi je vais demander un sandwich au jambon. Comme il se trompe toujours, il va à l'importer un saucisson. Comme vous vous enroulez un saucisson, je vous donnerai mon sandwich au saucisson, puisque j'ai demandé un sandwich au jambon. Et moi je mangerai le sandwich. Et lycée de Versailles. Et c'est comme ça qu'ils sont connus à Chartres.